Section 103, des mille et une nuits, tome 3e, 10e partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée Paris-Banou. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland, 10e partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée Paris-Banou. Sire, reprit le prince Ahmed, je laisse à considérer à votre majesté si, après avoir perdu Nourouniar, qui avait été l'unique objet de mes souhaits, je pouvais me résoudre à être témoin du bonheur du prince Ali. Si j'eusse été capable d'une indignité de cette nature, qu'eût-on pensé de mon amour à la cour et à la ville, et qu'en eût pensé votre majesté elle-même? L'amour est une passion qu'on n'abandonne pas quand on veut. Elle domine, elle maîtrise, et on ne donne pas le temps à un véritable amant de faire usage de sa raison. Votre majesté, c'est qu'en tirant ma flèche, il n'arriva une chose si extraordinaire que jamais elle n'est arrivée à personne. Savoir, quoique dans une plaine aussi unie et aussi dégagée que celle des exercices de chevaux, qu'il ne fut pas possible de trouver la flèche que j'avais tirée, ce qui fit que je perdis une cause dont la justice n'était pas moins due à mon amour qu'elle était au prince, mes frères. Vaincu par le caprice du sort, je ne perdis pas le temps en des plaintes inutiles. Pour satisfaire mon esprit inquiet sur cette aventure, que je ne comprenais pas, je m'éloignai de mes gens sans qu'ils s'en aperçussent, et je retournai sur le lieu, seul, pour chercher ma flèche. Je la cherchai en deçà, au-delà, à droite, à gauche de l'endroit où je savais que celle du prince Houshain et du prince Ali avaient été ramassées, et où il me semblait que la mienne devait être tombée. Mais la peine que je pris fut inutile. Je ne me rebutai pas, je poursuivis ma recherche en continuant de marcher en avant sur le terrain, à peu près en droite ligne, où je m'imaginais qu'elle pouvait être tombée. J'avais déjà fait plus d'une lieue, toujours en jetant les yeux de côté et d'autre, et même en me détournant de temps en temps pour aller reconnaître la moindre chose qui me donnait l'idée d'une flèche, quand je fis réflexion qu'il n'était pas possible que la mienne fût venue si loin. Je m'arrêtai, et je me demandai à moi-même si j'avais perdu l'esprit et si j'étais dépourvu de bon sens, au point de me flatter d'avoir la force de pousser une flèche à une si longue distance qu'aucun de nos héros les plus anciens et les plus renommés par leur force n'avait jamais eu. Je fis ce raisonnement, et j'étais prêt à abandonner mon entreprise. Mais, quand je voulus exécuter ma résolution, je me sentis entraîné comme malgré moi, et après avoir marché 4 lieues jusqu'où la plaine terminait par des rochers, j'aperçus une flèche. Je courus, je la ramassai, et je reconnus que c'était celle que j'avais tirée, mais qui n'avait été trouvée ni dans le lieu ni dans le temps qu'il le fallait. Ainsi, bien loin de penser que votre majesté m'eût fait une injustice en prononçant pour le prince Ali, j'interprétais ce qui m'était arrivé tout autrement, et je ne doutais pas qu'en cela, il y eût un mystère à mon avantage, sur lequel je ne devais rien oublier pour en avoir l'éclaircissement, et j'eus cet éclaircissement sans m'éloigner trop de l'endroit. Mais c'est un autre mystère sur lequel je vous supplie, votre majesté, de ne pas trouver mauvais que je demeure dans le silence, et de se contenter d'apprendre par ma bouche que je suis heureux et content de mon bonheur. Au milieu de ce bonheur, comme la seule chose qui le troublait et qui était capable de le troubler, était l'inquiétude, où je ne doutais pas que votre majesté ne fût, au sujet de ce que je pouvais être devenu, depuis que j'ai disparu et que je me suis éloigné de la cour, j'ai cru qu'il était de mon devoir de venir vous en délivrer, et je n'ai pas voulu y manquer. Voilà le motif qui m'amène. La seule grâce que je demande à votre majesté, c'est de me permettre de venir de temps en temps, lui rendre mes respects et apprendre des nouvelles de l'état de sa santé. « Mon fils, répondit le sultan des Indes, je ne puis vous refuser la permission que vous me demandez. J'aurais beaucoup aimé, néanmoins, que vous eussiez pu vous résoudre à demeurer auprès de moi. Apprenez-moi, au moins, où je pourrais avoir de vos nouvelles, toutes les fois que vous pourriez manquer à venir m'en apprendre vous-même, ou que votre présence serait nécessaire. Sire, répartit le prince Ahmed, ce que votre majesté me demande fait partie du mystère dont je lui ai parlé. Je la supplie de vouloir bien que je garde aussi le silence sur ce point. Je me rendrai si fréquemment à mon devoir que je crains plutôt de me rendre importun que de lui donner lieu de m'accuser de négligence quand ma présence sera nécessaire. Le sultan des Indes ne pressa pas davantage le prince Ahmed sur cet article. Il lui dit, mon fils, je ne veux pas pénétrer plus avant dans votre secret. Je vous en laisse le maître entièrement pour vous dire que vous ne pouviez me faire un plus grand plaisir que de venir me rendre par votre présence la joie dont je n'avais pas été susceptible depuis si longtemps et que vous serez le bienvenu toutes les fois que vous pourrez venir sans préjudice de vos occupations ou de vos plaisirs. Le prince Ahmed ne demeura pas plus de 3 jours à la cour du sultan son père. Il en partit le 4e, de bon matin, et la fée Paribanou le revit avec d'autant plus de joie qu'elle ne s'attendait pas qu'il dût revenir si tôt, et sa diligence fit qu'elle se condamna elle-même de l'avoir soupçonné, capable de manquer à la fidélité qu'il lui devait et qu'il lui avait promise si solennellement. Elle ne dissimula pas au prince, elle lui avoua franchement sa faiblesse et lui en demanda pardon. Alors, l'union des deux amants fut si parfaite que ce que l'un voulait, l'autre le voulait de même. Un mois après le retour du prince Ahmed, comme la fée Paribanou eut remarqué que, depuis ce temps-là, ce prince, qui n'avait pas manqué de lui faire le récit de son voyage et de lui parler de l'entretien qu'il avait eu avec le sultan son père, dans lequel il lui avait demandé la permission de venir le voir de temps en temps, que ce prince, dis-je, ne lui avait parlé du sultan, non plus que s'il n'eût pas été au monde, au lieu qu'auparavant il lui en parlait si souvent. Elle jugea qu'il s'en abstenait par la considération qu'il avait pour elle. De là, elle prit occasion un jour de lui tenir ce discours. « Prince, dites-moi, avez-vous mis le sultan votre père en oubli? Ne vous souvenez-vous plus de la promesse que vous lui avez faite d'aller le voir de temps en temps? Pour moi, je n'ai pas oublié ce que vous m'avez dit à votre retour, et je vous en fais souvenir, afin que vous n'attendiez pas plus longtemps à vous acquitter de votre promesse pour la première fois. « Madame, reprit le prince Ahmed sur le même ton enjoué que la fée, comme je ne me sens pas coupable de l'oubli dont vous me parlez, j'aime mieux souffrir le reproche que vous me faites, sans l'avoir mérité, que de m'être exposé à un refus en vous marquant à contre-temps de l'empressement pour obtenir une chose qui eût pu vous faire de la peine à me l'accorder. « Prince, lui dit la fée, je ne veux pas que vous ayez davantage de ces égards pour moi, et afin que semblable chose n'arrive plus, puisqu'il y a un mois que vous n'avez vu le sultan des Indes, votre père, il me semble que vous ne devez pas mettre entre les visites que vous aurez à lui rendre un plus long intervalle que d'un mois. Commencez donc demain, et continuez de même de mois en mois, sans qu'il soit besoin que vous m'en parliez, ou que vous attendiez que je vous en parle. J'y consens très volontiers. » Le prince Ahmed partit le lendemain avec la même suite, mais plus leste, et lui-même monté, équipé et habillé plus magnifiquement que la première fois. Et il fut reçu par le sultan avec la même joie et la même satisfaction. Il continua plusieurs mois à lui rendre visite, et toujours dans un équipage plus riche et plus éclatant. Fin de la 10e partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée Paribanou, section 103. Enregistré par Bricara.